Voyelle. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle, je dirais quelques jours vos naissances latentes. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I. Pourpre, sang craché. Rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle. Vibrement divin des mers virides. Paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides. Que l'alchimie imprime au grand front studieux. O. Suprême clairon plein des strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux.